Am I dog? On y trop peine de mi pas adversaire. On pas besoin de tellit parce que même c'est la même quand on ka do it. Yeah dog. Ambiance domino 4 servi. Call pour des jouets mal servi. C'était dit mi parking, ne veut dit mi enseigne maïka direction. Que moi la rapport la clim. Décompressé, cru des sons. Pour en pas faire couler sang. Des poussi ka blabla, t'es mon panitant. Ou pas les quoi? Chine c'est ma koumè. Chine c'est ma koumè. Eh ben fait un calotte pour elle. C'est nos merci, donc pas d'hésitation. Sinon en humble. Si des rats en la café, équitation. Et mes femmes qui simple. Les dos si bien cachés. Ma femme que si. Toute cautelle là ça craché. On savent que nèg mouin, bisouin mouin. R.A.F. On ka marché tout seul dans les cartels ennemis sans fils et moi. Dormi, peut-être qu'il y a un dingue. Y'en a pet, si ma qui panique, ne peut pas faire un coup, y avait un flingue. On connaît les battes, si on pas connaît tout, c'est qu'on sait en crème. Life moi c'est un film, on continue la tien. Gros film sans gêne, les gangs c'est la mat pokora. Les ok mort, peut-être que y'a qui raille moi. D'autres qui aiment moi. Les ok dead pas plaire moi. Et puis Bobby, et puis Shakyu, ok flex comme moi, ok flex comme moi, maman pas plaire moi. On va rester sans mal pied, pas sans ni des gens, moi y'en laisse à nécessaire. Trop ennemis, pas assez à te faire, y'en pas qu'à tell it. My dog, parce que moi y'en qu'à do it, do it, do it, do it, do it. On va rester sans mal pied, pas sans ni des gens, moi y'en laisse à nécessaire. Trop ennemis, pas assez à te faire, y'en pas tell it. Tell it, my dog boss, mais on ka do it. Do it, do it, do it, do it. Ne pleurons pas, mais honorons ceux qui sont morts au combat. Le jour de mon deuil, que vos douilles m'accompagnent au ciel. Ouvrez les bouteilles, buvez à nos missions. My dog, y'a pas de champagne au ciel. Jamais ne faillit qui a pénurie de pitié. Conscience défaillante, on ne peut échapper à la fatalité. J'comprends qui reste perplexe, qui me trouve complexe. Désolé my dog, j'suis pas un homme, j'suis un concept. Dis oi, y'en a foutre. Fais ta zot, t'en qu'a fait tant moi. Les chins qui suivent moi, les chins let qui aiment moi. Va connaître my dog, big up my C. GC. Ek, attend que on mort pour jouer en book. Yeah dog.